بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها، وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس. كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على الدين. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار مصرف الأمور مكور الليل على النهار، تبصرة لذوي القلوب والأبصار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخله في جملة الأخيار، فاجتهدوا في مرضاته والتأهب لدار القرار، واجتناب ما يسخطه والحذر من عذاب النار، وأخذوا أنفسهم بالجد في طاعته وملازمة ذكره بالعشي والإبكار، والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد الأخيار نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، قال المولى تبارك وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Ceux qui transmettent les messages d'Allah et le craignent et ne craignent personne mis à part Allah, et Allah suffit pour établir leur compte. الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا طلعت به شمس الهداية للورى وأبى لها وصف الكمال أفولا والحق أبلج في شريعته التي جمعت فروعا للهدى وأصولا لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع النهار فأطفئ القنديلا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه. قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: فما زال بنا البلاء حتى قصرنا. قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة: وفي الحديث النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفا من الناس، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول له تنجو وتربح. On a été patient par rapport à vos égarements et à vos dénigrements. On disait: لعلهم ينتهون، لعلهم يرجعون، لعلهم يهتدون، ولكنكم ما زلتم في غيكم تعمهون. Des frères du منهج الصحيح vous ont appelé à débattre à plusieurs reprises. ولكنكم كعادتكم تفرون كفرار الحمر من القسورة وكالعادة يفر الإمام إلى الأمام. جعلوا السماع مطية لهواهم وغلوا كل محالي هو طاعة هو قربة هو سنة صدقوا لذاك الشيخ ذي الإضلال. Quelqu'un pourrait nous dire: objection, on ne parle pas sur les savants. لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصها معلومة. من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وكما قال الإمام أحمد: لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات. La chair des savants est empoisonnée, celui qui la sent tombe malade et celui qui la mange meurt. Est-ce que cela veut dire pour vous que les savants sont infaillibles chez vous? هل العلماء معصومون من الخطأ؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين: العلماء ثلاثة أقسام: عالم ملة وعالم دولة وعالم أمة. أما عالم الدولة فهو الذي ينظر ماذا تريد الدولة فيفتي بما تريد الدولة ولو كان في ذلك تحريف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Ibn al-Uthaymin dit que les savants sont au nombre de trois. Et parmi ces savants, il y a le savant de la dawla, le savant de l'État. C'est celui qui regarde ce que veut son État. Et il fait des fatawa selon ce que veut l'État. Et même si ceci mène à la déformation du livre d'Allah et de la sunna de son prophète, alayhi salatu wa afdalu taslim. Le cheikh Rabi' et ses adeptes cherchent à trouver les erreurs qui peuvent être commises par ceux qui les contredisent, même si c'est dans une chose minime. Wal-karithatul udma, c'est que la première chose avec quoi il commence, les tullab de ce manhaj, c'est les livres des rodoud. Tammatun kubra, wa sadaqa man qal, ridaul kibar, summun lis-sighar. Leur but est de salir l'image de ceux qui les contredisent et éloigner les gens d'eux. Et tout cela, soi-disant, c'est une mise en garde contre les gens de la bid'a. Et tout cela, min babi al-jarh wa al-tajrih, afwan al-jarh wa al-ta'dil. Les Mourji'a de France sont irrespectueux et pleins d'insolence. Ils ont plus besoin d'éducation que de science. Ils utilisent des formules et des expressions déplacées contre leurs opposants parmi les gens de Ahl Sunnah. Fulanun akhbath aw akdab min al-yahoud wa al-nasara aw adallu ahli al-bid'ah wa da' anka qawluhum dajjal wa kadhdhab wa fajir wa affak athim wa murawigh wa mukhadi' wa makir wa adu lis-sunnah wa muharib lis-salafiyyin al-kibar minhum was-sighar wa khabith مخبث حدادي مائع مميع حزبي وضال مضل ومبتدع خبيث وكذاب أشر إلى آخر ما في هذا القاموس العفن. Celui qui tombe dans l'erreur et que cette personne prenne conscience de son erreur et qu'il revienne clairement à la vérité et délaisse le bâtel sur quoi il était. Non, pour eux, c'est un menteur qui fuit et qui ne veut pas faire son repentir et que son repentir n'est pas valable que entre leurs mains et avec les mots que eux ils lui imposent, car Allah dit wa tubu ila Allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun, et doit faire son repentir devant un tel et un tel. Ô Mourji'a de France, réveillez-vous. Tala an-nahar fa atfi'u al-qindil, le désordre que sèment les Mourji'a sur terre, c'est et faire sortir les gens de la salafia de leur salafia. Elle est rentrée dans le groupe des gens de la bid'a et parmi leur dire man nazzala dayfan fi bayti hizbi fayulhaq bih, celui qui ramène un invité chez un hizbi, il est à son tour un hizbi. Wa man iltamasa 'udran li hizbi walaw fi amri haqq fa huwa mumayyah, celui qui accepte une excuse d'un hizbi est un corrompu. Man lam yahjur fulanan fayulhaq bih wa hada man lam yahjurhu fa huwa kadhalik wa hakadha, celui qui n'abandonne pas un tel, il le rejoint, et ainsi de suite. Man lam yazur al-shaykh Rabi' wa man kana ala shakilatihi aw yattasil bih hatifiyan fa huwa hizbi, celui qui ne visite pas al-shaykh Rabi' et ceux qui lui ressemblent ou qui ne l'appellent pas par téléphone est un hizbi. Man tahaffadha fi kalam al-shaykh Rabi' fi mukhalifihi fa huwa hizbi, celui qui est réticent avec les paroles du shaykh Rabi' devant son adversaire est un hizbi. من لم يبدع فلانا ويقول هو أكذب هو أخبث هو أضر من اليهود والنصارى والروافد فهو حزبي مستتر. Celui qui ne dit pas que un tel est un mubtadi', et si il ne dit pas que c'est un menteur pernicieux pire que les juifs, les chrétiens et les rawafid, c'est un hizbi caché. من خالف الشيخ ربيعا فهو حزبي والأيام ستبين ذلك فاصبروا حتى تروا حقيقة ذلك. Celui qui contredit Cheikh Rabi' est un hizbi, et les jours à venir confirmeront nous dire, soyez patients. Al-Sheikh Rabi' a'lam bimasa'il manhaj min al-Sheikh Ibn Baz wa baqiyat ulama al-Asr. Cheikh Rabi' est plus savant sur les questions du manhaj que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et le reste des savants contemporains. Wa halumma jarra wa la'ihatu tawila, parmi les règles corrompues chez eux. Man istushhida bi kalam wa huwa haqq من كلام أحد المخالفين فهو ملمع لأهل الباطل ومدافع من أهل البدع. Si je m'appuie sur la parole d'un opposant et que cette parole est une parole de vérité, alors pour eux je défends les gens de la bid'a et les gens du باطل. ومن لم يأخذ بقول الشيخ ربيع فهو ممن يريد إسقاط مرجعية العلماء, celui qui ne prend pas la parole du Cheikh Rabi, il veut annuler les références des savants. Celui qui les contredit sur un petit détail qu'ils appellent chez eux les questions du manhaj, il a fait l'éloge de quelqu'un que eux ont critiqué. Ils disent cette personne est un danger pour la da'wah et le pire que le Hizbi al-Asli. من رد على الشيخ ربيع تجاوزاته فهذا يدل على أنه ليس بمؤدب وأنه يسب العلماء أو يرد على أهل السنة أو حرب على السنة وأهلها أو عدو للسنة أو نحو ذلك مما يدل على أي نقد لهم فهو اعتراض على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. Celui qui réfute Cheikh Rabi par rapport à ses erreurs et à ses égarements, ceci prouve que la personne est mal polie. Il insulte les savants, il refute les gens de Al-Sunnah et il mène une guerre contre la Sunnah et ses partisans. Et c'est un ennemi de la Sunnah et c'est quelqu'un qui s'oppose à la Sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. تعيير مخالفهم بماضيه الذي تاب إليه هذا من صفاتهم. L'outrage d'autrui par rapport à son passé sur lequel il s'est repenti, c'est parmi leurs caractéristiques. Une autre chose, c'est que lorsque tu poses une question à une majorité d'entre eux sur le dalil, écoute leur réponse. قال الشيخ ربيع. الشيخ ربيع il a dit. قال المجاهد السلفي فالح الحربي. قال النجمي. قال بازمول. قال رسلان. قال محنة أهل البدع فلان. L'affliction des gens de la passion intelle, il a dit. قال حامل لواء الجرح والتعديل. Le porteur de l'étendard, de l'éloge et de la critique a dit. Ô Mourji'a ignorant, quittez la France et allez chez des vrais chouyours pour demander la science. ولا تكونوا كالذباب يقعوا على القاذورات وكونوا كالنحلة واجمعوا الحسنات. Ils ont délaissé les imams, les quatre imams, l'imam Malik, l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam Abu Hanifa, l'imam Al-Shafi'i, rahimahumullah. Ils ont délaissé les paroles des érudits comme Sheikh ibn al-Qayyim, rahimahullah, wa شيخه ابن تيمية رحمة الله عليه. Et ils suivent des gens, on ne sait pas sur quoi ils vont mourir. Et parmi les règles des salaf, on a la règle, le athar de ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن آمن وإن كفر كفر وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُوا عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ. Ibn Mas'ud, il nous cite une règle, que personne n'imite personne dans le dîn. S'il croit, tu crois, et s'il mécroit, tu mécrois. Et si vous devez suivre quelqu'un, suivez ceux qui sont morts, car les vivants ne sont pas à l'abri de la fitna. Les vivants ne sont pas à l'abri des troubles et des discordes. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى مِنْ أَقْوَامٍ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْفِرَارِ وَالنَّفِيرِ وَبَيْنَ الْخُبْزِ وَالشَّعِيرِ. Parmi les caractéristiques du manhaj de cette nouvelle Hizbiya, leur dire « Donne-nous ta position sur un tel ou tu le rejoins ». Ils mettent les gens à l'épreuve, subhanallah, avec des questions comme « Quand tu es parti à Médine, tu as visité quel savant ? Quand tu es parti à la Mecque, tu as visité quel savant ?» Ils mettent des étiquettes selon la réponse donnée. « Wa marbatul faras indana aqwal Sheikh Rabi' fi sahaba » صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصفهم بكلام سيء وقبيح. Ensuite on trouve des paroles de Cheikh Rabi' sur les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام en les décrivant avec des paroles grossières et obscènes. نعم, grossières et obscènes. Vous savez tous que le fait de respecter les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام fait partie des fondements des gens de la sunna et les aimer est une adoration. Suivre leur voie est une obligation. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Les meilleurs des gens sont ma génération. » Et il dit alayhi salatu wassalam « N'insultez pas mes compagnons. » Donc quelle est la position de Cheikh Rabi' sur Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu? « Qala al-Sheikh fi sharir al-ilm wa al-difa' an al-Sheikh Jamil wajh alif fi siyaq al-taqlid min sha'n al-ilm wa al-siyasa. Khalid yaslihu للقيادة وما يصلح للسياسة وأحيانا يلخبط. أحيانا يلخبط. Ici on a un dénigrement clair de Cheikh Rabi sur Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu. Cheikh Rabi a dit dans l'audio la science et la défense du Cheikh Jamil. Face à Khalid est apte à être dirigeant d'une armée, mais il n'est pas fait pour la politique et parfois il fait n'importe quoi. يلخبط. Et le cheikh a fait sa tauba pour s'en dire, et parfois il fait n'importe quoi, et il s'est repenti aussi sur une parole sur Samura ibn Jundub, radiallahu anhu. Il avait dit sur lui, il fait une ruse comme celle des juifs. Samura, amila hila, tushbi hila tal yahoud. Est-ce que c'est digne des sahaba? On a aussi le dénigrement d'autres sahaba. Fi charit al-ilm wa al-difa' an Sheikh Jamil, wajh, ba', kana Abdullah wa Ubay ibn Ka'b, wa Zayd ibn Thabit, wa ibn Mas'ud, wa ghayruhum, min fuqaha al-sahaba, wa ulama'ihim, ma yaslahuna lil-siyasa, wa awya, ma huwa alim. Sheikh Rabi' il dit al-ilm wa al-difa' an Sheikh Jamil, wajh, ba'. La science et la défense du Sheikh Jamil, face B, Abdullah, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit, Ibn Mas'ud et d'autres parmi les juristes, compagnons et leurs savants, n'étaient pas faits pour la politique. Mu'awiyah n'était pas un savant. Le cheikh, il dit, cheikh Rabi', votre cheikh, il dit que Mu'awiyah radiyallahu anhu arda n'était pas un savant. Il y a le cheikh qui t'a devancé sur ses jugements absolus lorsque t'as cité ses sahaba et ta parole, elle est explicite dans les propos comme quoi il n'était pas fait pour la politique. Le cheikh a dit clairement, Mu'awiyah n'était pas savant. Et cette parole est rejetée. Et si on lui demande au cheikh le dalil, il est incapable de le donner. Donc, à notre tour, on montre le dalil. Saqa al-Bukhari sanaduhu ila ibn Abi Mulayka, qala, awtara Mu'awiyah ba'da al-Isha biraka'a, wa indahu mawla ibn Abbas, radiyallahu anhuma, wa qal, da'hu, fa innahu sahiba Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. وساق سنده الآخر عن ابن أبي مليكة قيل لابن عباس رضي الله عنهما هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال إنه فقيه. Dans cette parole là on trouve un hadith rapporté par ابن أبي مليكة où il dit معاوية a fait le witr après la prière du Isha avec une seule unité. On a posé la question à ابن عباس رضي الله عنهما. Il a dit, Ibn Abbas, laissez-le, c'est un juriste. Mu'awiyah, c'est un juriste. Donc ici, on a un témoignage de Habrul Umma, l'interprète du Coran. Turjumanul Quran. Il dit que Mu'awiyah est un faqih, est un juriste. Et il connaît les sunan qui peuvent échapper à certains. Et ceci est dû à son étude du fiqh et sa proximité du prophète alayhi salatu wassalam. Cheikh Rabi', selon sa parole, prétend voir Allah avec son cœur lorsqu'il est éveillé. Bien plus que cela, toute personne pour lui qui croit en Allah et qui est dans les cieux, le voit aussi. Et ceci est la parole de Al-Mubtadi'a, Al-Dullal. Faqad ja'a fi sharit al-jalsa al-rabi'a fi al-mukhayyim al-rabi'i wajh alif. Une personne a posé une question à Cheikh Rabi'. Est-ce que les sahaba ont divergé dans la aqidah? Qala al-Sheikh, la, nahnu ma naqul ikhtilafu. ما يحق لنا أن نقول اختلفوا في العقيدة. ابن عباس يقول رآه بقلبه وعائشة تقول ما رآه فهم متفقون ما رآه بعينه. أما الرؤية بالقلب أنا أرى الله بقلبي أنت ما ترى ربك بقلبك. فتكلم السائل بكلمات لا تفهم فقال الشيخ تؤمن بالله وتعرف أن الله في السماء؟ قال نعم. قال فهذه الرؤية قلبية. هذه الرؤية القلبية. الشيخ ربيع répondu dans une assise où on lui a posé la question sur la divergence dans la aqida, le cheikh il a répondu non, ils n'ont pas divergé sur la aqida. Ils n'ont pas le droit, on n'a pas le droit de dire ils ont divergé sur la aqida. Ibn Abbas a dit il l'a vu avec son cœur. Et Aïcha a dit il ne l'a pas vu. Ils sont d'accord sur le fait que il ne l'a pas vu avec ses yeux en parlant du prophète alayhi salatu wassalam bien sûr. Il a dit moi je vois Allah avec mon cœur. Et toi ne vois-tu pas Allah avec ton cœur? Ensuite, le cheikh dit, tu crois en Allah? Tu sais que Allah est dans les cieux? La personne a dit oui. Le cheikh a répondu, donc ceci est la vision du cœur. هذه فهذه الرؤية القلبية جاء في مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ملحق المصنفات المسألة 17 أنه قال فمن قال لا يرى في الآخرة فهو جهمي ضال ومن قال يرى في الدنيا بالفؤاد لغيره صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال ومن قال إنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه فهو غالط. محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله يجي celui qui dit que Allah Ta'ala n'est pas vu le jour dernier est un jahmi, et celui qui dit qu'on peut voir Allah Ta'ala dans la vie ici-bas avec le cœur est un innovateur égaré, mubtadi undal. Donc c'est une parole claire de Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah qui dit que le teneur de ses propos était mubtadi dal. Et ce qui est sûr, c'est que la personne qui maîtrise al-aqida parmi les gens du hadith et les gens du athar ne prononce pas ces paroles-là. Fa hal hunaka makhraj min hadhihi al-warta? Est-ce que il y a une sortie qui te fait sortir, ya cheikh, de ce dilemme, mis à part le repentir? طيب. Wa ma'lum أن الصفات عند السنة والجماعة توقيفية. جاء كلامه كلام الشيخ هذا في شريط الجلسة الثالثة من المخيم الربيعي وجه ألف. فقال الشيخ ربيع: الشيخ ابن باز عالم فاضل ولكنه إنسان مشغول ما يعرف كل ما على وجه الأرض، وهذا تشبيه بالله عز وجل، هذا غلو كاذب. Donc lorsque Cheikh Rabi' réfutait les gens qui avaient de l'amour envers Cheikh Ibn Baz, il a dit: Cheikh Ibn Baz est un noble savant, mais c'est quelqu'un de préoccupé. Il connaît pas tout ce qu'il y a sur terre. Ceci est du tashbih, c'est une ressemblance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est du relou. Faut pas trop l'aimer. Donc هذا تقصير وتنقيص في شأن Cheikh Ibn Baz. ثم قال السائل: على قولك يا شيخ راح يقولون، il parle avec l'accent، راح يقولون الشيخ ابن باز ما يفقه الواقع. قال الشيخ ربيع: الشيخ يفقه الواقع، لكن ما يفقه الواقع كلهم مثل الله. Un questionneur dit: selon votre dire شيخ، certains disent que الشيخ ابن باز ne connaît pas le واقع، la réalité des choses، c'est-à-dire l'actualité. Cheikh Rabi a répondu: Cheikh, c'est-à-dire Ibn Baz, connaît la réalité des choses, c'est-à-dire l'actualité, mais il ne connaît pas la réalité des choses comme Allah. فهل هذا تعبير في إجلال الله عز وجل؟ وهل بمثله يعبر العلماء الكبار؟ بالله عليكم يا مرجئة. Est-ce que cette expression montre une vénération envers Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est avec ces expressions que les grands savants s'expriment? لكن حدث أيها الشيخ بما يحلو لك. Mais Cheikh Rabi' a le droit de dire ce qu'il veut, car derrière lui il y a des gens qui ne connaissent pas le ma'ruf et qui n'interdisent pas le blâmable. والله المستعان. يكفيك بالعلم فضلا أن صاحبه قد اعتلى رتب الخير ينتظر. يكفيك بالجهل قبحا أن صاحبه مثل البهائم أعمى ما له بصر. جاء في الشريط العلم والدفاع عن شيخ جميل الرحمن وجه ألف، وهو يرد على من يغلو في فقه الواقع. استدل في رده على هؤلاء بقصة الطير مع نبي الله سليمان عليه السلام وقوله: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فكان من جملة كلام الشيخ أن قال: طير عرف الواقع ونبي الله ما عرف الواقع. الشيخ ربيع essaie de remédier غلو avec du غلو. Il essaie d'expliquer c'est quoi فقه الواقع avec l'histoire de Suleiman avec le هدهد. Il dit يعني la parole d'Allah سبحانه وتعالى: احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سورة النمل. J'ai appris ce que tu n'as pas appris et je te rapporte de سبأ une nouvelle sûre. الشيخ a dit: l'oiseau connaissait le waqi', c'est-à-dire la réalité, et le prophète d'Allah ne connaissait pas le waqi'. Ish hadhihi al-ibara al-qabiha ya sheikh. On a affaire à un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi cette mauvaise expression avec laquelle on décrit un prophète? Est-ce que avec cette parole cela veut dire que al-hudhud est meilleur que Sulayman alayhi salam? Est-ce que le hudhud qui connaissait cette partie du royaume avait plus de connaissances que Sulayman alayhi salam, et qui a donné cette science au Hudhud, mis à part Allah jalla wa ala? Ici il y a une partie de la terre que Suleyman alayhi salam ne connaissait pas. Allah tabaraka wa ta'ala lui a fait découvrir par le biais du Hudhud. Si Cheikh Rabi avait dit cela, on aurait dit c'est exactement cela, Cheikh. Maintenant, venons à la Hizbiya. قال الشيخ ربيع وهو يمدح السلفية قال والله إن سلفيتنا أقوى من سلفية الألباني والله إن سلفيتنا أقوى من سلفية الألباني رحمه الله notre salafia est plus forte que la salafia de l'Albani. C'est pas une hizbiya, c'est qui le hizbi? C'est pas une hizbiya ça? Sans oublier qu'en 2013, Rabi ibn Hadi al-Madkhali a proposé à Yahya al-Hajouri du Yémen de travailler avec lui au sein des services secrets saoudiens. Personne, même eux, ne peuvent pas le renier. Et il y a la parole de Yahya al-Hajouri qui est sur YouTube. Donc quand Cheikh al-Hajouri les a scandalisés, il y en a d'autres, comme Abu al-Hassan al-Ma'ribi, dans son livre تحذير الجميع من أخطاء الشيخ ربيع وأسلوبه الشنيع انقلبتم عليهم ظهر المجن فنسأل الله لكم ولنا الهداية هذه من جملة قواعدكم التي استحضرتها الآن اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين